إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le mercredi 7 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 29 mars 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble dans cette série dont le sujet et le mérite ou les mérites des compagnons radiallahu anhum wa ardahum, qu'Allah les agrée tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa ardah. Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife bien guidé, un des 10 annoncés au paradis, il est le quatrième dans leur classement, et il est le cousin de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Il est son cousin, et également, il est son gendre, le mari de sa fille, Fatima, radiyallahu anha wa ardaha. Il est le mari de Fatima, radiyallahu anha wa ardaha. Et il est le père de l'Hassan wa l'Hussein, les deux petits-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, les meilleurs des jeunes du paradis. Et Ali ibn Abi Talib, c'est le premier enfant qui est entré en islam. Et là-dessus, il n'y a pas de divergence. Après, est-ce que c'est le premier homme ou c'est Abu Bakr? Il y a des divergences. Lakin, le point sur lequel il n'y a pas de divergence, c'est que Ali, radiallahu anhu, est le premier enfant qui est entré en islam. Et donc, le premier homme, c'est Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah les agrée tous. Ali ibn Abi Talib, il est entré en islam très jeune, comme il était élevé par le Nabi alayhi salatu wassalam. Car quand son père Abu Talib, qui veillait sur le prophète alayhi salatu wassalam, après sa mort, il a laissé plusieurs enfants et il les a laissés dans une pauvreté. C'est pour ça, chacun de ses frères ou autres ont pris en charge certains de ses enfants. Et c'est pour ça que le Nabi Aïssalam a pris avec lui Ali ibn Abi Talib, et c'est lui qui l'avait pris en charge. Donc il était dans le foyer du prophète alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib, ses mérites sont très nombreux. Parmi ses mérites avec lesquels nous allons commencer, inshallah ta'ala, c'est qu'il fait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Il fait partie de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et par rapport à ça, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, un des 10 annoncés au paradis, il a dit, que Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu a ordonné ou a convoqué Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et quand il est venu, il lui a dit: qu'est-ce qui t'empêche de dénigrer Abu Turab? Abu Turab, c'est le surnom de Ali ibn Abi Talib. Et on va voir l'histoire de ce surnom, Abu Turab. Il lui a dit, qu'est-ce que Turab, c'est la terre. Abu Turab. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'empêche de le dénigrer, de dire du mal de lui, par rapport à ce qui s'est passé dans le fitna entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah radiallahu anhu, et qui s'est terminé par une union où tous les musulmans se sont unis, et ça s'est appelé l'année de l'Jama'a. Et c'était un immense bien pour les musulmans, et c'est cette période-là dans laquelle il y a eu énormément de conquêtes, pour voir que quand les musulmans sont unis, al-khayr se multiplie, le bien se multiplie et se répand, et quand ils se divisent, c'est l'inverse. Là, la division, des fois, on n'y peut rien. On ne la cherche pas. On ne l'aime pas. Et on ne la souhaite pas. Là, des fois, elle s'impose à nous. Elle s'impose à nous. C'est une divergence de manhaj. Une division à cause de le manhaj, à cause de l'aqida. Ça, on n'y peut rien faire. Et le blâme, il est pour celui qui est sorti de la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est celui-là qui est blâmé. Donc la division, pas toute division est blâmée. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, a été envoyé, comme les anges disent dans le ciel, rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, pour diviser. Mais est-ce que le Nabi, alayhi salatu wassalam, a divisé Ahl-Sunnah? Non. A divisé les croyants qui suivent le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam avec la bonne compréhension? La réponse, non. Mais le Nabi alayhi salatu wassalam était une distinction entre les gens de la foi et les gens de la mécréance. Et sa religion est une distinction entre le vrai et le faux. La sunna et la bid'a, et ainsi de suite. Sa'd radiyallahu anhu, il a dit à Muawiyah radiyallahu anhu, il lui a dit, j'ai entendu trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son égard, et c'est pour ça que je ne dirai jamais du mal de lui, et je ne l'insulterai pas ni le dénigrerai. Il a dit, j'ai entendu trois choses du prophète, alayhi salatu wassalam, à son sujet. Trois qualités. Et il a dit, j'aimerais, si j'avais une seule de ces qualités que le Nabi, alayhi salatu wassalam, a dit à son égard, et ceci aurait été meilleur pour moi que d'avoir les chamelles rouges, yani les meilleurs biens de ce bas monde. D'avoir une de ces qualités est meilleur pour moi que d'avoir les biens de ce bas monde. C'est ça le sens. Il a dit, j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est sorti dans certaines de ses excursions militaires, Nabi, alayhi salatu wassalam, il l'a laissé comme responsable sur les femmes et les enfants. Il l'a laissé pour veiller sur les femmes et les enfants. Et Nabi alayhi salam, Ali radiallahu anhu, il a dit au prophète alayhi salam, yani Ali il veut sortir pour combattre les ennemis d'Allah, pour être aux côtés du prophète alayhi salam et veiller sur les femmes et les enfants. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Il a dit au prophète d'Allah, tu m'as laissé pour veiller sur les femmes et les enfants. Nabi alayhi salam lui a dit, t'aimerais pas que tu sois pour moi comme Ali, comme Haroun était pour Moussa. Sauf qu'il n'y a plus de prophétie après moi. T'aimerais pas que ton statut par rapport à moi soit comme le statut de Haroun par rapport à Moussa. Mais Haroun c'était un prophète. Et après notre prophète, il n'y aura plus de prophète. Et ça, c'est un mérite immense. La place de Ali radiallahu anhu pour le prophète alayhi salatu wassalam et son statut aussi. Il a dit, je l'ai entendu le jour de Khaybar aussi. Ça c'est le premier. Le deuxième. Je l'ai entendu le jour de Khaybar dire, Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, la u'tiyanna ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu. Nabi alayhi salatu wassalam a juré par Allah qu'il allait donner l'étendard, celui qui allait porter l'étendard dans la conquête de Khaybar, il a dit, je vais le donner à quelqu'un qui aime Allah et son messager. Et que Allah et son messager l'aiment. Allahu Akbar. Sahaba, quand ils ont entendu ça, tous, ils ont commencé à se montrer devant le Nabi alayhi salam. Tous, ils espéraient que ce soit l'un d'entre eux. Y compris Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais souhaité la direction, yani être nommé comme dirigeant et désigné comme dirigeant. Je ne l'ai jamais souhaité, sauf ce jour-là. J'aurais souhaité que ce soit moi qui porte l'étendard. Pas pour porter l'étendard et être le responsable, et tout le monde est derrière lui, sous sa direction. Non. Mais pour cette qualité que le Nabi alayhi salam a citée. Ce témoignage de la bouche du prophète alayhi salam, que celui à qui ça sera donné, il aime Allah et son messager. Ça c'est déjà immense. Mais ce qui vient après est encore beaucoup, beaucoup plus fort. Et Allah et son messager l'aiment. Allahu Akbar. C'est ça qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est pas d'aimer Allah. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Là, les juifs, ils prétendent aimer Allah. Les chrétiens prétendent aimer Allah. Sauf, ils prétendent aimer Allah. Tout égaré, ils prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, la question, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime? C'est ça, yani, la réussite et le succès quand Allah t'aime. Et pour qu'Allah t'aime, il y a des causes à faire à leur tête, à Tawhid. Car Allah n'aime jamais un mouchrik. Et ensuite, les obligations. Et ensuite, multiplier les actes surrogatoires, améliorer son comportement. Et se concurrencer dans le bien d'une manière générale. Ensuite, Nabi alayhi salam n'a pas vu Ali radiallahu anhu. Il a dit de convoquer Ali. Et ils l'ont ramené et il avait une infection au niveau des yeux. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu pour participer dans la conquête de Khaybar. Il était présent avec l'armée. Mais il est resté seul à cause de cette infection qu'il avait dans les yeux. Ils lui ont dit, le Nabi alayhi salam veut te voir. Il est venu comme ça, avec l'infection dans les yeux. Le Nabi alayhi salam a postillonné dans son œil et comme s'il en avait comme s'il avait rien eu, et ensuite il lui a donné l'étendard. Et c'est lui qui a été sur cette armée qui a conquis Khaybar. Khaybar, cette ville juive. Cette ville juive qui est à une distance de Medina à peu près de 300 kilomètres, quelque chose comme ça. Et la troisième, quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset dans lequel il dit فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Le verset dans Surat Ali Imran, dans le sens approximatif, dit « Allons appeler nos fils et les vôtres. » Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Nos femmes et les vôtres. Wa anfusana wa anfusakum. Nous-mêmes et vous-mêmes. Thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin. Ça, c'est au sujet de ceux qui disputent et qui disputaient au sujet de Isa alayhi salam parmi les chrétiens. Quand ce verset a été révélé, Nabi alayhi salam a appelé Ali radiallahu anhu et Fatima, il Hassan, il Hussein. Il a dit Allahumma ha'ula'i ahli. Il a dit oh Allah, voici ma famille. Il a convoqué ces quatre hadiths rapportés dans l'authentique de l'imam muslim. Ali et son épouse Fatima, la fille du prophète alayhi salam, et ses deux enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein. Donc ça, on va voir plus en détail qui sont la famille du prophète alayhi salam très exactement. Mais ce jour-là, le Nabi alayhi salam a convoqué ces quatre. Et ces quatre, sans aucun doute, ils font partie de sa famille. Car c'est sa fille, son mari et ses petits-fils. Donc dans ce hadith, nous avons déjà trois grandes qualités de Ali radiallahu anhu qui sont parmi les plus grandes. C'est pour ça Sa'd radiallahu anhu, il a cité les trois. Qui nous montrent le statut extrêmement élevé de Ali radiallahu anhu et son rang élevé. Il est pour le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam comme Haroun est pour Moussa. Sauf qu'il n'y aura plus de prophète après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un homme qui aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment. Et il est de la famille du prophète alayhi salatu wa sallam. Trois qualités. Sa'd ibn Abi Waqqas, un des dix annoncés au paradis, il dit « J'aimerais avoir une de ces qualités contre tous les biens de ce bas monde. » Allahu Akbar. Aussi, parmi ce qui a été rapporté selon Yazid ibn Hayyan, il a dit « Un jour, je suis parti avec Hussein ibn Sabra et Omar ibn Muslim pour rendre visite au compagnon, le grand compagnon Zayd ibn Arqam. Quand on s'est assis avec lui, Hussein, c'est des tabi'in. Quand ils se sont assis avec le compagnon Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, Hussein a pris la parole. Il a dit « Oh Zayd, tu as assisté à énormément de bien avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Tu l'as vu, tu as entendu son hadith, tu as combattu à ses côtés, tu as fait la salade derrière lui. Sans aucun doute, tu as vécu énormément de bien avec le prophète, alayhi salatu wassalam. » Ils lui ont dit, rapporte-nous des hadiths que tu as entendus du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, Zayd radiallahu anhu, a dit, ô mon neveu, j'ai vieilli, et mon âge est devenu avancé, je me suis avancé dans l'âge. je me suis éloigné de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et j'ai oublié certaines choses que je mémorisais avant. Alors ce que je vous rapporte, acceptez-le et contentez-vous de ce que je vous rapporte, car ce qu'il rapporte, c'est ce qu'il maîtrise avec certitude. Sahaba radiallahu anhum était minutieux dans ce qu'il rapportait de Nabi alayhi salam, car il savait que celui qui rapporte du prophète alayhi salam un mensonge, il est menacé par le châtiment dans le feu de l'enfer. Donc, il a dit ce que je vous rapporte, prenez-le. Et ce que je vous cite pas, ne me chargez pas au-dessus de ma capacité. C'est-à-dire, contentez-vous de ce que je vous dis. Car ce que je vais vous dire uniquement ce que je maîtrise. Ensuite, il leur a cité ce hadith. Il a dit un jour, le messager d'Allah, alayhi wasalam, a fait un discours à un endroit qui s'appelle Khum, qui se trouve entre Mecca et Médine. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a glorifié, et il a rappelé les gens, il les a exhortés, et ensuite il a dit, je suis un homme, bientôt le messager de mon Seigneur viendra, et je céderai l'âme. Je laisse parmi vous deux choses qui ont un poids lourd, c'est-à-dire une grande valeur, auxquelles vous devez vous attacher. La première, c'est le livre d'Allah, dans lequel il y a la guidée et la lumière. Cramponnez-vous au livre d'Allah et attachez-vous à ce livre. Et la deuxième, les gens de ma famille. Les gens de ma famille. Yani, je vous rappelle leurs droits. Les droits des gens de ma famille. Car les gens de la famille du prophète, alayhi sallam, ils ont des droits en islam. Ils ont des droits en islam qui sont des droits supérieurs aux droits du musulman. Ils ont les droits du musulman et en plus les droits des gens de la famille du prophète alayhi salatu wassalam quand c'est des gens pieux, quand c'est des gens qui suivent la sunna. Car tu peux trouver des égarés qui prétendent être de la famille du prophète alayhi salatu wassalam et peut-être qu'ils sont vraiment de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, mais ça ne leur sera d'aucune utilité ni profit. De faire partie de la famille du prophète alayhi salam, c'est un honneur après ton attachement à la sunna. Et l'islam d'abord, et ensuite la sunna. Le Nabi alayhi salam dit à sa fille, Fatima, « Ya Fatima tu bint Muhammad, salini min mali ma shikti. » La urni anki min Allahi shay'a. Demande-moi ce que tu veux de mes biens. Dans ce bas monde, je te donnerai. Mais auprès d'Allah, je ne pourrai rien pour toi. Sauf si tu viens avec tawhid et avec la sunna, na'am. Nabi alayhi salam pourra intercéder, mais il n'intercède pas en faveur d'un mushrik. Nabi alayhi salam, il voudra intercéder en faveur des innovateurs. Les anges lui diront, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Il dira, suhqan, suhqan, malheur à eux, malheur à eux, malheur à celui qui a changé. Donc, Zayd radiallahu anhu, il a cité ce hadith dans lequel Nabi alayhi salam, il nous recommande de nous attacher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de respecter les droits des gens de sa famille. C'est pour ça, Abu Bakr radiallahu anhu, pour traduire ça en une pratique, il disait que la famille du prophète alayhi salam était plus aimée pour lui que sa propre famille. Ensuite, ces étudiants, ces tabi'in, ont dit à Zayd ibn Arqam, c'est qui les gens de sa famille? Ses épouses font partie des gens de sa famille? Il a dit oui. Ses épouses font partie des gens de sa famille. Mais les gens de sa famille qui sont voulus dans ce contexte, c'est ceux pour qui as-sadaqa est interdite, pour qui la zakat, et l'aumône d'une manière générale, l'aumône est interdite. Ceux qui ne peuvent pas prendre ni la zakat, ni l'aumône d'une manière générale. C'est les gens de sa famille. C'est ceux-là qui sont visés ici, à savoir, ce qu'il faut savoir, que Hashim, parmi ses enfants, Abd al-Muttalib, qui est fils de Hashim. Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Abd al-Muttalib, il a eu, yani, 10 ou un peu plus de fils. Il y a des divergences qu'on avait vues dans Sira al-Nabawiyya. Il y en a qui ont dit 10, il y en a qui ont dit 11, 12, jusqu'à 13. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que parmi ses enfants, il y avait Abu Talib, et il y avait Abdullah, le père du prophète, alayhi salatu wassalam, et il y avait l'Abbas, et il y avait Hamza, et il y avait Abu Lahab. Beaucoup d'entre eux sont morts avant l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, d'autres sont morts après l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, mais pas sur l'islam. Ceux qui sont morts musulmans, c'est l'Abbas et Hamza. L'Abbas et Hamza. Abu Lahab, c'est le grand ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, grand ennemi d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Talib, comme vous savez, il est mort sur la mécréance, sur la religion de son père et de ses ancêtres. Il a refusé de dire « La ilaha illallah » dans le dernier instant de sa vie, quand Nabi alayhi sallam est venu l'appeler à dire « La ilaha illallah ». Et il était proche, il savait que Nabi alayhi sallam était un vrai prophète. Il le savait. Et il savait que sa religion est une vraie religion, est une révélation d'Allah. Tout ça, il le savait. Lakin, ce qui l'a empêché, c'est le suivi des ancêtres. Car nous disons suivre les prédécesseurs, mais les pieux parmi eux, pas les déviants et les égarés. Et parmi les causes de sa mauvaise fin aussi, c'est Rufaqa Su, les mauvais compagnons. Rufaqa Su, c'est pour ça, faites attention aux mauvais compagnons. Ne prends comme ami que quelqu'un qui te rappelle tes obligations religieuses et qui t'aide dans ta religion. Quelqu'un qui te tire vers le mal, éloigne-toi de lui. Si tu peux lui faire da'wah, essaie de lui faire da'wah, t'arrives pas, sauve-toi. Car salama, as-salamatu la ya'dilu hashay. Rien n'égale le fait de se préserver déjà. Et pense à ton bien avant de penser au bien des autres. Là, c'est un contexte où tu dois penser à ta sauver d'abord. Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, qu'u anfusakum. Sauvez-vous d'abord. Anfusakum wa ahlikum. Ensuite, vos familles. Lakin, c'est pas parce que tu veux aider un frère et lui faire da'wah que tu vas risquer ta religion. Ça, c'est des ruses de shaitan. Donc, Abu Talib, il a eu 4 enfants. Talib, avec lequel il se surnomme, et Aqil, et Ja'far, et Ali. 4 garçons. Il a eu des filles. La plus connue, une grande sahabiya, c'est Ummu Hani, radiyallahu anha. Donc, la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, tous, ils descendent de Abu Talib et de l'Abbas. car Hamza n'a pas eu de descendance. C'est que les musulmans. Donc Abu Talib, ses enfants, les quatre sont musulmans. Talib, Afwan, non, pas Talib. Aqil, Ja'far, Ali ibn Abi Talib. Aqil ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum. Les trois, c'est des compagnons. Et les trois, c'est des frères. Ja'far, qu'on surnomme Ja'far al-Tayyar. Celui dont les membres ont été sanctionnés dans la bataille de Mu'tah. Et que ses membres lui ont été remplacés par des ailes avec lesquelles il vole aujourd'hui dans le paradis. Radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'on l'appelle Tayyar, qui vole. Et Ali, radiyallahu anhu, dont nous parlons, et Aqil, radiyallahu anhu, un compagnon, également parmi ceux qui ont lavé le prophète, alayhi salatu wassalam, après sa mort. Donc, tout ça pour dire que la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, sont les descendants de ces trois enfants de Abu Talib, Aqil, Ja'far, Ali, leurs descendants, et les descendants de l'Abbas, son oncle. C'est uniquement ça, sa famille. Après, yani ça c'est la famille qui est visée ici. Après, il y a des savants qui font rentrer dans la famille du prophète, ses épouses. Et ça, c'est l'avis que choisit notre cher Abdel Mohsin al-Abbad, qu'Allah le préserve. Et beaucoup de savants, bien évidemment. Mais lui, il a une risala par rapport à ça. Tayyib. Donc, pour cela, as-sadaqa est interdite. Il n'est pas autorisé pour eux de prendre de l'aumône. Ça, c'est la règle de base. Il y a des exceptions, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, toute la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est les descendants de l'Abbas, et les descendants des trois enfants de Abdul Muttalib, Aqil, Ja'far, Ali, radiyallahu anhum tous. On a déjà vu ce mérite qui est que Ali, pour le prophète, alayhi salatu wassalam, est comme Haroun pour Moussa. Haroun, c'est un prophète et c'était le ministre de Moussa, alayhi salam. Il était son assistant, il était avec lui dans sa mission. Ensuite, par rapport à l'histoire de ce surnom de Abu Turab, le surnom de Abu Turab, Sahel ibn Sa'd dit qu'un homme a été désigné comme responsable de Médine. Yani, le dirigeant des affaires de Médine. Et cet homme a convoqué Sahel ibn Sa'd, radiyallahu anhu. Et cet homme, il faisait, vous savez qu'il y avait des tensions entre les gens de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens de la famille de Marwan, qui sont les Bani Umayya, les Bani Umayya. Et des Bani Umayya, ni de cette tribu, vient Uthman ibn Affan, le grand compagnon, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Donc il y avait des tensions par rapport à Ali ibn Abi Talib, est-ce que c'est lui qui doit prendre la relève, des choses comme ça. En tout cas, toutes ces choses-là ont disparu, alhamdoulilah. Là, il y avait quelques tensions. Pour quand vous voyez que le gouverneur de Médine, il va convoquer un compagnon, Sahel ibn Sa'd, radiyallahu anhu, il va lui dire d'insulter Abu Turab, c'est qu'il y avait des tensions. Et ça, c'est des erreurs. Le gouverneur, ce n'est pas un sahabi, bien évidemment. Aucun sahabi ne fera ça. Ça, c'est venu après. Il lui a dit de l'insulter, il a refusé. Il lui a dit, alors si tu refuses de dire du mal de lui, alors tout simplement maudis-le, dit La'ana Allah Aba Turab. Yani qu'Allah le maudisse. C'est ce qu'il lui a dit de dire. Il lui a dit Abu Turab, ce surnom, que tu me demandes de maudire, c'était le surnom le plus aimé pour Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il se réjouissait énormément quand on l'appelait avec ce surnom, Abu Turab. Car ce surnom avait une histoire. Il lui a dit, pourquoi il a été surnommé alors? Ada, il ne connaît pas Sahaba. Il ne connaît même pas pourquoi Ali, on le surnommait Abu Turab. Il lui a dit, il a demandé au compagnon, il lui a dit, dis-moi alors, pourquoi il a été surnommé ainsi? Lui, il pensait que c'est un mal. Celui qui a la terre, ou la, yani, c'est... Ça peut paraître comme une insulte, ou là. Là, qu'en réalité, c'est une éloge. Écoutez l'histoire. Il a dit, un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est rendu chez sa fille Fatima, chez elle. Il n'a pas trouvé Ali à la maison. Il lui a dit, il est où ton cousin? Elle a dit, il y a eu entre moi et lui quelque chose. Regardez, la femme, elle garde c'est différent avec son mari, entre elle et lui. Elle ne sort pas ça du foyer. Parce que quand ça sort, et pire encore si ça sort pour sa mère ou la hadi, en général ça se termine très très mal. Lakin, la femme intelligente, elle essaye toujours de résoudre ses problèmes entre elle et son mari. Et ne pas faire intervenir des gens de l'extérieur. Quand est-ce qu'on fait intervenir des gens de l'extérieur? En dernier recours. En général, ou bien ça va se résoudre, ou ça va être la fin. Lakin, il n'y a pas un foyer dans lequel il n'y a pas des petits soucis. Il faut s'habituer à tout régler dans le foyer. Et de préférence, régler ces problèmes-là pas en la présence des enfants. L'homme, il rentre avec sa femme, il s'enferme dans sa chambre et il parle, il discute. Voilà, t'as fait ça, il faut pas faire ça. Personne n'est à l'abri de l'erreur. Lakin, c'est comme ça qu'on résolve les problèmes de foyer. Donc Fatima, elle a dit au prophète, il y avait entre moi et lui quelque chose et il est parti fâché. Et il est sorti de la maison. Là, c'est une deuxième astuce. Une deuxième astuce quand il y a des disputes. Yani, on le dit, là, qu'il n'est pas facile à pratiquer. Là, quand la personne se met en colère, c'est la dernière des choses qui va lui venir à l'esprit. Mais si elle fait ça, le conflit s'arrête automatiquement. Regardez Ali, radiyallahu anhu, il s'est fâché avec Fatima, radiyallahu anha, il est sorti. Car s'il reste à la maison... On ne parle pas de ce couple en particulier, mais des couples de manière générale. Peut-être que dans ce couple, ils ne vont pas arriver à ce que je vais dire. S'il reste, la femme, elle va dire des choses que l'homme va détester, et peut-être il va la divorcer. Ou elle va lui dire, divorce-moi. Et par fierté, il va la divorcer. Par contre, il sort directement de la maison, ou là, il va dans une autre pièce, comme ça, il stoppe. Ça vient de Shaitan. Les querelles, les disputes, ça vient de Shaitan. Si tu restes, tu les nourris. Et si tu sors, tu les arrêtes. Donc Ali, radiallahu anhu, il est sorti, il n'a pas fait sa sieste à la maison. Alors que d'habitude, il l'a fait à la maison. Le Nabi, alayhi sallam, a dit à un homme qui était avec lui, il lui a dit, cherche-moi Ali, où est-ce qu'il est? Une deuxième astuce et une troisième astuce. Quand il y a un problème, on va voir l'autre le plus rapidement possible. On ne laisse pas ces choses-là le travailler dans son cœur. Et ça, c'est une erreur qui arrive souvent dans les couples. Quand ils se disputent, la femme n'adresse plus la parole à l'homme et l'homme n'adresse plus la parole à la femme pendant une semaine, voire plus. Et là, Shaitan, il a le temps pour faire son travail. Tranquillement. Et le plus fort d'entre eux, c'est celui qui vient et qui aborde l'autre et qui lui parle. Et de toute façon, ce n'est pas autorisé de boycotter un musulman plus de 3 jours. Quand c'est dans des conflits comme ça. Plus de 3 jours, c'est pour la religion. Une innovation ou la shihaja. Amma pour les conflits ou les disputes comme ça, 3 jours maximum, pas plus. Et cet homme l'a cherché, il l'a trouvé dans la mosquée. Nabi alayhi salam est parti dans la mosquée et il l'a trouvé couché, allongé, il dormait, radiyallahu anhu. Et son vêtement supérieur, son rida, était tombé par terre et on voyait yani, ses épaules. On voyait son côté qui était yani, par terre. Et sur ce côté-là, il y avait de la terre. Le Nabi alayhi sallam, il passait sa main sur cette terre, il lui retirait la terre, il lui disait « Lève-toi, Abu Turab. Lève-toi, Abu Turab. » Tout en retirant la terre du côté de Ali radiallahu anhu sur lequel il y avait de la terre. Aussi, il a été rapporté que Ali radiallahu anhu, et ça on l'a vu, c'est lui qui a pris l'étendard dans la conquête de Khaybar, et c'est un homme qui aime Allah et son messager. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, selon Buraïda, il a dit « J'ai participé avec Ali dans la conquête du Yémen. » Il l'a accompagné avec une armée vers le Yémen. Et il a vu que Ali était un peu distant de lui. Buraïda qui dit. Et quand il est rentré à Médine, il a cité Ali radiallahu anhu devant le prophète alayhi sallam, et comme s'il l'a, il a dit quelque chose Ali, dans laquelle il y a une diminution de Ali radiallahu anhu. Et il a vu que le visage du prophète alayhi sallam a changé. Il lui a dit, Nabi alayhi sallam, ensuite il lui a dit, Ya Buraïda, ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ Ça c'est comme dans le sens d'un verset. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Dans le sens approximatif, le prophète a plus de droits sur les croyants. Que ceux-ci n'ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Donc il lui a dit, est-ce que je n'ai pas plus de droits sur les croyants que eux n'ont sur eux-mêmes? Buraïda radiallahu anhu, il a dit oui, si au messager d'Allah. Ensuite il lui a dit, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Celui qui me prend pour comme allié et qui m'aime, alors il doit prendre Ali comme allié et l'aimer. Et ça a été expliqué yani, dans un autre sens. Celui que j'aime et que je prends comme allié, Ali radiallahu anhu, lui aussi l'aime et le prend comme allié. Donc on peut traduire dans yani, comme ça et comme ça, ces deux sens sont valables. Donc Ali radiallahu anhu, on l'aime et on le prend comme allié. Radiallahu anhu arda. Et donc ce hadith a été rapporté de plusieurs versions. Aussi le Nabi alayhi salam a informé que Ali radiallahu anhu allait combattre les Khawarij. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la vie de Ali ibn Abi Talib. C'est son combat contre le Khawarij. C'est son combat contre le Khawarij. Radiallahu anhu arda. Vous savez que Ali ibn Abi Talib, il a été tué par un Khariji qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljim. Et ce qui est étonnant et impressionnant pour voir jusqu'à où l'égarement peut arriver, Abdurrahman ibn Muljim, c'était un homme qui mémorisait le Coran et qui enseignait le Coran. C'est un tabi'i, bien évidemment, c'est pas un sahabi. Il n'y a pas de mubtadi' dans le sahaba. Et celui-là, c'est un grand mubtadi', un grand égaré. Même le plus malheureux des gens, comme il a été décrit dans le hadith. Donc, Abdurrahman ibn Muljim, quand les musulmans ont conquis l'Égypte, Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn al-As a envoyé un courrier à Omar ibn al-Khattab, qui était le gouverneur des musulmans, le guide des croyants. Il lui a dit, envoie-moi un homme pour enseigner le Coran aux gens. Car les gens entrent en islam et ils ont besoin qu'on leur enseigne le Coran. Et il lui a envoyé cet homme-là, Abdurrahman ibn Muljim. Il lui a dit, c'est un homme qui maîtrise le Coran, construis-lui une maison pour enseigner le Coran aux gens. Et je t'ai préféré sur ma personne en te l'envoyant, car j'aurais aimé le garder avec moi. Allahu Akbar. Il est décrit comme ça par Omar radiallahu anhu. Ensuite, cet homme, il est cité dans sa biographie qu'il a épousé une kharijiya. Et c'est ainsi qu'il est tombé dans l'égarement de l'khawarij. Et c'est lui qui a tué Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Il l'a tué en psalmodiant ce verset. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Il l'a tué en disant ce verset dans le sens approximatif. Et il est parmi les hommes celui qui se voue complètement à obtenir la satisfaction d'Allah. Allah est tout compatissant envers ses serviteurs. Donc, comme si il faisait allusion à sa personne. Wallah al-musta'an, pour voir l'égarement, où est-ce que ça peut arriver. C'est un grand adorateur, quelqu'un qui mémorise le Coran, mais comme le Nabi alayhi salatu wassalam a décrit ses khawarij, il récite le Coran, il le mémorise, il le psalmodie, mais ça ne dépasse pas leur gorge. Ils sortent de la religion comme la flèche traverse l'animal avec lequel il est jeté. Quand tu lances une flèche sur un lapin, tu vois comment ça le traverse. Ils sortent de la religion comme cela. C'est comme ça que ça a été rapporté dans le hadith. Nas'alullah salam al-afir. C'est pour ça, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ne sont jamais leurrés par l'adoration d'une personne, ou sa mémorisation du Coran, ou sa mémorisation de la science, jusqu'à voir est-ce que sa croyance et sa mise en pratique est en accord avec la Sunnah. Donc, Ali radiallahu anhu, il a combattu Al-Khawarij. Il est rapporté de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il a dit un jour on était assis avec le prophète alayhi salatu wassalam. On était assis, on attendait le prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi alayhi salatu wassalam ensuite est sorti d'une maison d'une de ses épouses. Et quand il est sorti, son soulier s'est déchiré. Et Ali radiallahu anhu, il est resté à réparer son soulier. Et Nabi alayhi salam est parti, sûrement pieds nus. Et les compagnons sont partis avec lui. Et à un moment, il s'est arrêté pour attendre Ali radiallahu anhu. Il a dit aux compagnons, il y a parmi vous qui vont combattre pour porter les gens sur la bonne compréhension du Coran, comme nous, nous avons combattu sur la véracité de sa révélation. Et il y avait parmi les compagnons Abu Bakr et Omar. Et les compagnons tous, ils espéraient que ce soit eux. C'est qui cette personne qui va combattre pour que les gens soient dans la bonne compréhension, comme les premiers compagnons ont combattu pour que les gens acceptent le Coran, acceptent la révélation et croient en la véracité de cette révélation. Et le Nabi alayhi sallam ensuite, il a dit non, mais c'est celui qui répare le soulier. Et ils sont partis lui annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est une sunna. Quand il y a une bonne nouvelle, à toi à l'annoncer à ton frère. Donc, ils n'ont pas attendu qu'il les rejoigne. Ils sont partis vers lui pour lui annoncer. Quand ils lui ont cité ce que le Nabi a dit, comme s'il l'avait déjà entendu auparavant. Yani, il avait déjà connaissance de cela, qu'il allait combattre le Khawarij. C'est pour ça qu'il l'a dit à plusieurs reprises dans son combat contre le Khawarij. Et celui qui a tué Ali, c'est le plus malheureux de cette communauté. Un jour, Ali radiallahu anhu est tombé malade. Et il souffrait énormément, au point où les gens ont pensé qu'il allait mourir et céder l'âme. Ensuite, il a été guéri, alhamdoulilah. Et ils lui ont dit, on a eu peur pour toi. On pensait que tu allais mourir. Il a dit, par contre, moi, je savais que j'allais pas mourir. Parce que le véridique, qui n'informe que de la vérité, le prophète, alayhi sallam, m'a dit que je ne mourrai pas jusqu'à ce que la partie gauche du devant de ma tête soit frappée et que le sang coule et qu'il remplit ma barbe. Et il a dit, le prophète, alayhi sallam, il le tuera le plus malheureux de cette communauté. Comme celui qui a tué la chamelle de Salih et le plus malheureux des Thamoud. Et cet homme, c'est Abdurrahman ibn Muljim. Il y a un hadith qu'on va mentionner juste pour savoir qu'il pose problème. Ce hadith, il se trouve dans l'authentique de l'imam Muslim, dans lequel le Nabi alayhi sallam aurait dit qu'il n'aime Ali radiallahu anhu qu'un croyant. Il ne le déteste qu'un hypocrite. Ce hadith a été rapporté uniquement dans l'authentique de l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari, les savants disent qu'il n'a pas voulu le citer dans son authentique. Il a cité un autre hadith sur lequel se sont mis d'accord les deux shuyukh, al-Bukhari et Muslim, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'min. Au lieu de dire Ali, les Ansar, ils ne les aiment qu'un croyant. Ils ne les détestent qu'un hypocrite. Celui qui les aime, Allah l'aime. Celui qui les déteste, Allah le déteste. Pourquoi cette version est plus authentique? Déjà, elle est dans les deux authentiques. Et aussi parce que l'autre version, même si la chaîne de transmission elle est authentique, mais elle pose problème au niveau du sens. Non, c'est pas celui-là qui pose problème au niveau du sens. Mais Cheikh Islam rahimahullah Ibn Taymiyyah dans Minhaj Sunnah Nabawiyyah a cité que ce qui est plus juste, c'est l'amour des Ansar est un signe de la foi. Pourquoi? Parce que les hypocrites, en réalité, ils détestent tous les compagnons. Mais pourquoi ils ont spécifié l'Ansar, les Médinois? Parce que les hypocrites sont apparus dans leur pays, à Médine. Et ils ont vu que les Médinois, c'est eux qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam. Et eux qui l'ont accueilli. Et à cause d'eux, leur chef a été délaissé, qui est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui espérait devenir le roi de Médine. Et qui a perdu ses espoirs. Ses espoirs se sont évaporés avec l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, ils ont détesté énormément l'Ansar. Lakin, de toute manière, même si on suppose que le hadith est authentique dans son sens, il n'y a pas de doute que aimer Ali radiallahu anhu fait partie de la foi. Comme les compagnons radiallahu anhu. Et détester un compagnon, ça fait partie de l'hypocrisie. Lakin, cette version est plus juste, et l'autre, les savants ont dit qu'il y a une erreur dans... une erreur. Après, il y en a qui vont être d'accord, comme j'ai dit à certains frères quand ils m'ont posé la question au sujet des deux authentiques. Tout ce qui est dans les deux authentiques, pour nous, est authentique. Après, si on arrive à des degrés comme l'imam Dara-Qutni ou des choses comme ça, ou comme Cheikh Islam Taymiyyah, ils peuvent discuter certains ahadiths. Et c'est, ça ne dépasse pas les doigts de la main. Et dans ces hadiths, la vérité est avec les deux imams, Al-Bukhari et Muslim. Souvent c'est comme ça, comme a dit Hafidh ibn Hajar. Un deuxième hadith qui est très connu et qui est faible, c'est Nabi alayhi salam aurait dit Ana darul ilmi ou ana darul hikma wa aliyun babuha, que Nabi alayhi salam est la maison de la science ou la maison de la sagesse et que Ali est la porte de cette maison. C'est celui-là qui a été jugé comme un mensonge, munkar, rapporté dans le Sunan Tirmidhi, et ce hadith pose problème au niveau de sa chaîne de transmission. Il est munkar et aussi dans le sens. Il y en a, si on suppose que Nabi alayhi salam est la maison de la science, faut pas que cette maison ait une seule porte. Faut qu'elle ait plusieurs portes de ceux qui transmettent du prophète alayhi salatu wassalam. Pas qu'une seule personne qui transmet et qui permet d'arriver au prophète alayhi salatu wassalam et arriver à sa science. Car sinon, ça serait pas une science forte qui atteint le degré de tawatur. Mais avec tous ceux qui rapportent de Nabi alayhi salatu wassalam, yani tous, ce sont des portes de cette maison de science qui est le prophète alayhi salatu wassalam. En tout cas, ce hadith, il a été cité par Ibn al-Jawzi dans le Mawdu'at, les hadiths mentis. Le dernier point avec lequel on va terminer, mais brièvement, c'est dans le combat de l'Khawarij. Vous savez que 8000 parmi ceux qui mémorisent le Coran parmi l'Khawarij se sont insurgés contre Ali radiallahu anhu. Ils se sont retirés à un endroit qui s'appelle Haroura. C'est pour ça qu'on les appelle Harouria. Et ils l'ont accusé par rapport à son arrangement avec Muawiya et pour avoir choisi des hommes afin de juger entre eux. Donc ils ont dit, tu fais juger les hommes dans la religion d'Allah, c'est une mécréance. Tu, dans ce que tu as écrit à Muawiya, ils lui ont dit, tu n'as pas marqué Amir al-Mu'minin, donc tu es Amir al-Kafirin. Tu n'as pas marqué le guide des croyants, donc tu es le guide des mécréants. Et Ali radiallahu anhu a réfuté ces ambiguïtés très très facilement, mais les gens qui ont des passions, c'est pas l'éclaircissement de la science qui va les ramener à la vérité. Quand la passion elle s'installe dans le cœur, wal'iyadu billah, ça devient très dangereux. Donc, par rapport au premier, il a demandé à ce qu'on réunisse pour lui ceux qui mémorisent le Coran. Et il a pris un grand mushaf et il a commencé à parler au mushaf. Il lui a dit, parle-leur, dis ça, dis ça, dis ça. Ils lui ont dit, au guide des croyants, tu sais que le mushaf, il ne parle pas. Il lui a dit, alors ces gens-là qui veulent, qui se sont insurgés, ils veulent que je fasse juger le Coran par lui-même. Le Coran, il ne parle pas. Et le deuxième point qu'il leur a cité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Si vous craignez une éventuelle rupture entre les deux conjoints, le mari et son épouse, envoyez un arbitre de sa famille à lui et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux conjoints désirent une réconciliation, Allah rétablira leur entente. Donc, il leur a dit, regardez, on a fait juger des hommes dans un couple, un homme et une femme. Et eux, ils veulent pas que je fasse juger des hommes qui vont juger avec la loi d'Allah, bien évidemment, dans l'affaire de la communauté. Et il leur a dit, par contre, ce qui me reproche, que je n'ai pas écrit Amir al-Mu'minin et j'ai écrit uniquement Ali ibn Abi Talib, il leur a cité ce qui s'est passé dans le pacte d'allégeance de l'Hudaybiyah, que le Nabi Aïssa lui-même a effacé Rasulullah. Et ça n'a pas fait de lui autre chose. C'est pour l'arrangement. Donc il leur a dit, j'étais présent, et le Nabi Aïssa, quand il a écrit Muhammad Rasulullah, ils ont dit non. Si on croyait que tu étais messager d'Allah, on t'aurait suivi. Écris Muhammad, fils de Abdullah. Il a écrit Muhammad, fils de Abdullah. Mais ces ignorants, pour eux, quand il a écrit Ali, il n'a pas écrit Amir al-Mu'minin, alors il est devenu Amir al-Kafirin. Wal-iyadu billah. C'est pour ça, et ça, c'est des gens qui mémorisent le Coran. Mais ils n'ont pas la compréhension du Coran. Ils ont la compréhension de leur tête. Ils ne reviennent pas aux compagnons pour prendre de la science et prendre d'eux la bonne compréhension. Et ensuite, Ali radiallahu anhu a envoyé Abdullah ibn Abbas à ses khawarij, à ses 8000. Et il a débattu avec eux pendant 3 jours, 4000 sont revenus. Et les 4000 qui sont restés sur leur égarement, dans un premier temps, Ali radiallahu anhu, il ne les a pas combattus. Mais ils leur ont demandé d'épargner les musulmans de leur mal. De ne pas couler du sang, haram, de ne pas faire du mal aux gens du livre qui étaient sous la protection des musulmans, de ne pas voler, de ne pas faire du mal d'une manière générale, sinon ils les combattraient. Et ils n'ont pas respecté cette condition. Après leur avoir fait da'wa, et après tout cela, il les a combattus, il les a tués tous. Radiallahu anhu arda. Et ça, c'est parmi les grands mérites de Ali radiallahu anhu qui ont été cités dans plusieurs hadiths. Le Nabi alayhi salam lui a dit tout ce qu'il allait se passer. Et même, il lui a donné les descriptions de certains parmi ses khawarij, notamment ce Dhu al-Thudayya, qui avait un sixième doigt. C'est pour ça, ceux qui étaient avec nous dans Al-Fatawa al-Jaliya de Sheikh al-Najmi, il avait dit que le gouverneur ne tue pas le Khawarij directement. D'abord, il leur fait da'wa, il les appelle à la sunna, et s'ils refusent et font du mal, là, il les combat, il les tue. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.